vais, je suis parti, clair. Je vais, je ne sais où. Lui, des doux, des rivières, ma cause. Et je repars avec mon... Par des sentiers sous bois. J'aime mes bras, mes mains, mes épaules, mon torse et mes cheveux amples et blonds. Et boire l'espace entier pour en gonfler ma force. Oh, ces marches à travers bois, plaines, fossés, où l'être chante et pleure et crie et se dépense avec furie et s'enivre de soi ainsi qu'un insensé. Au pied des tours de Notre-Dame, la Seine coule entre les quais. Ah, le gai, le joli muguet! Allons, fleurissez-vous, mesdames! Mais c'était toi que j'évoquais sur le parvis de Notre-Dame. N'y reviendras-tu donc jamais? Voici le charmant mois de mai. Je me souviens du bel été, des bateaux mouches sur le fleuve et de nos nuits dans la cité. Hélas, qu'il vente, grêle ou pleuve, ma peine est toujours toute neuve. Elle chemine à mon côté. Dans le jardin du Luxembourg, les feuilles tombent par centaines et j'entends battre le tambour tout en courant la prête antenne parmi les ombres incertaines qui me rappellent nos amours. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut des vieillards tremblotants, il faut des milliards de secondes, il faut chaque chose en son temps. En mars, il y a le printemps. Il est un mois où l'on moissonne. Il est un jour au bout de l'an. L'hiver arrive après l'automne. Quand on est vieux, on est plus jeune. On finit par perdre ses dents. Après avoir mangé, on jeûne. Personne n'est jamais content. On regrette ses jouets d'enfant. On râle après le téléphone. On pleure comme un caïman. L'hiver arrive après l'automne. Prince, tout ça, c'est le chien dent. C'est encore pis si tu raisonnes. La mort t'a toujours au tournant. L'hiver arrive après l'automne. Nous avons pensé des choses pures, côte à côte, le long des chemins. Nous nous sommes tenus par les mains, sans dire, parmi les fleurs obscures. Nous marchions comme des fiancés, seuls, dans la nuit verte des prairies. Nous partagions ce fruit de féerie, la lune amicale aux insensés. Et puis, nous sommes morts sur la mousse, très loin, tout seuls parmi l'ombre douce de ce bois intime et murmurant. Et là-haut, dans la lumière immense, nous nous sommes trouvés en pleurant. Oh, mon cher compagnon de silence. J'ai voulu ce matin te rapporter des roses, mais j'en avais tant pris dans mes ceintures closes que les nœuds trop serrés n'ont pu les contenir. Les nœuds ont éclaté, les roses envolées, dans le vent à la mer s'en sont toutes allées. Elles ont suivi l'eau pour ne plus revenir. La vague en a paru rouge et comme enflammée. Ce soir, ma robe encore en est toute embaumée. Respire-en sur moi l'odorant souvenir. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même ni tout à fait une autre et m'aime et me comprend car elle me comprend. Et mon cœur transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème pour elle seule.